bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 9 octobre 2019. J'espère que tout va bien dans les chaumières. Et ce soir, après un petit varié format classique la semaine dernière, on est au mois d'octobre, pas encore rendu à l'Halloween. Il y en a plein qui ont la goutte au nez, ils commencent à faire frisquet, les vacances sont loin en avant comme en arrière. On a les blues et c'est pour ça que ce soir, on va plonger tête la première dans notre dépression saisonnière. Question de remonter à la surface. Mais on fait bien des farces, mais vous le savez, ça va être tout un périple. On va explorer de fond en comble plusieurs artistes, plusieurs sous-genres. Parce que le blues, c'est 50 nuances de bleu, mais c'est toujours intense. Et étant donné qu'on a un gros programme en vue, on va y aller tout de suite avec un artiste très influent. Sans lui, probablement pas de B.B. King et surtout pas de Chuck Berry. Vous écouterez, c'est assez évident dès les premières notes des inflexions qu'on va retrouver dans des chansons comme Johnny B. Goode. Et vraiment pas besoin d'être guitariste pour s'en rendre compte. On part le bal presque tout de suite avec le roi du blues sophistiqué T-Bone Walker. Tout ça en cette troisième instance du Méloman Blues ce soir sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. Thank you. sorrow you couldn't find. You live for the day, you leave your tomorrow's on its own. But got a little child, should try to make it a home. But oh, oh yeah, you know what it means to be alone. You hate your life, pretty baby, tomorrow you couldn't cry. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. I can't do it, baby. Oh, I've tried so hard, but I just can't do it, baby, no. Oh, I can't quit you, baby. Oh, but I've got to put you down for a little while. I just can't quit you, baby. But oh, I've got to put you down for a while. Oh, you messed up my mind, baby. Made me misuse my only child. You know I love you, baby. Never hide. Oh, you know I love you, woman. And my love for you, I could never hide. Oh, but you're taking me through too many changes now, baby. And that's why I've got to put you down for a little while. Yes, you are my heart desire.

my baby. Where's she gone? Where's she gone? I just don't know. Yes, have you heard about my baby? Where she gone? Where she gone? I just don't know. Well, if you should see my baby, yes, please tell her I love her so. Et toujours sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 en cette troisième édition du spécial Blues Méloman. Troisième, mais premier de la nouvelle mouture de Méloman. Bref, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est intense, surtout avec un jeune Clapton de 21 ans qu'on vient d'entendre et qu'on sent fébrile, prêt à conquérir le monde avec sa passion du blues. On vient de l'entendre avec un extrait d'un album hyper influent, soit le fameux John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton de 1966. Clapton qui, à ce moment-là, vient tout juste de quitter les Yardbirds qui sont en train de devenir trop pop à son goût, surtout avec leur succès récent For Your Love, ce qui est pas tout à fait faux. Tout le monde essaie de suivre les Beatles à ce moment-là. Le jeune Clapton, lui, veut jouer la musique de ses idoles d'outre-mer parce que Clapton est britannique. Mais il est fasciné par le blues qui vient d'Amérique, évidemment. Et longue histoire courte, c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à y avoir, brièvement en Angleterre, une espèce de Clapton mania. On va même aller jusqu'à écrire sur un mur un fameux graffiti « Clapton is God ». Et ben franchement, malgré tout son talent, je m'étais toujours demandé pourquoi exactement à ce point-là... On capote sur Clapton. Eh bien, c'est quand j'ai découvert ce fameux album de John Mayall que j'ai vraiment compris. Non seulement ça, mais pour les férus de guitare, c'est pas mal Clapton sur cet album-là qui va populariser le fameux couple de la Gibson Les Paul Sunburst plugé dans un ampli Marshall, crinqué au max jusqu'à ce que les lampes craquent et travaillent assez pour nous donner un bel overdrive chaud et puissant. Ça a l'air que le soundman se grattait pas mal la tête comment capter ce son trop puissant. D'ailleurs, ce modèle d'ampli Marshall aujourd'hui, on l'appelle le Blues Breaker. Et c'est pas innocent, c'est à cause de cet album-là. C'est pas rien parce que le fameux couple Les Paul Marshall va donner naissance à beaucoup de choses à venir dans les années 70 et 80. Ça va devenir le son du hard rock pour des années à venir. On pense à des Jimmy Page, à Slash, on peut en nommer toute la soirée. C'est pour ça, évidemment... Je vous raconte rapidement que Clapton et son blues britannique ont été si importants. Par la suite, Clapton va former Cream et va quelque peu frapper son Waterloo quand un certain James Marshall Hendricks va débarquer en Angleterre. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra assurément. Parlant de Cream, n'ayez crainte. J'oublie pas Ginger Baker, le légendaire batteur de Cream, qui est malheureusement décédé cette semaine. On va en reparler tantôt. Mais si on revient à nos moutons, eh bien, on était vraiment dans les influences de Clapton, carrément. Des petits liens un peu partout. On a entendu Little Milton avec sa reprise d'I Can't Quit You Baby de 1968. Une chanson qu'on associe plus souvent à Otis Rush. En fait, une chanson écrite par Willie Dixon, contrebassiste, compositeur chez Chess Records, dont on va reparler tantôt, qui va écrire cette chanson-là pour lancer la carrière d'Otis Rush en même temps que son nouveau label Cobra Records. Et cette chanson-là, I Can't Quit You, eh bien, sa version la plus connue doit sûrement rester celle d'un certain groupe du nom de Led Zeppelin sur leur premier album. Et comme par hasard, Jimmy Page a lui aussi fait partie des Yardbirds, groupe duquel Clapton est parti pour faire les Blues Breakers et Cream, même que Led Zeppelin va naître d'un groupe qui s'appelait les New Yardbirds. Bref, on pourrait en parler longtemps, il y aurait presque une émission complète à faire sur tous les liens qui unissent ce beau monde-là. Mais l'important à comprendre pour ce soir, c'est l'influence incommensurable du blues. Et le Otis Rush en question, ben on l'a entendu juste avant avec It Takes Time de 1958. Une grosse, grosse influence encore une fois sur Clapton qui a pratiquement le même timbre de voix si vous portez attention. Et le tout amorcé par le grand T-Bone Walker qui lui a influencé tout le monde dont on a parlé jusqu'ici avec un son très jazzy dans son blues qui va influencer, comme je vous disais, B.B. King et Chuck Berry au point que ça en est presque gênant pour Chuck Berry quand on écoute la discographie de T-Bone Walker. Et un petit fin intéressant. T-Bone Walker va aussi avoir pour ami d'enfance le grand Charlie Christian, un des guitaristes de jazz les plus influents qui a existé. Donc, c'est quand même assez particulier que chacun de leur côté vont devenir des légendes de la guitare aussi influentes, un avec un blues jazzé et l'autre avec un jazz bluesé. Donc, bref, personnellement, je pense que vous serez pas surpris si je vous dis que c'est quelque chose que je trouve très fascinant. Et nous, ben, il est grandement temps qu'on y retourne. On va ratisser dans un petit peu plus large dans les influences pour le prochain bloc, toujours en plein mélomane blues. Tous au 99.1, 88.9 CFNJ. Well, I saw that crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from my mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Ooh, I just need somebody. Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look at here. Look at here, baby. Fermez bien du soif et break qui te fatigue. Une demi-heure d'avant-midi, une demi-heure d'avant-midi. À manger des chips, des palettes de chocolat, des lifesavers, des VWS, à boire du coke, 7-up, chocolat au lait, planter devant le trac de la cantine. C'est lire le Montréal le matin, guinéreille. Assis sur les toilettes, une heure d'avant-midi, une heure d'avant-midi. J'te watch, watch moi, t'es mieux de te remettre sur tes tracks.

she don't be my baby, I'd soon to see her again. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm at an end. because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. partiellement nuageux cette nuit dans la Naudière, minimum de 4 à 7 degrés. Alternance de soleil de nuages jeudi, maximum de 16 degrés. Et vendredi, alternance de soleil de nuages, maximum de 17 à 19 degrés. CFNJ 89.1 88.9. Et vous êtes toujours à Méloman, Méloman Blues ce soir, et je pense que la tête va m'exploser tellement j'aurais plein de choses à vous raconter. Faut pas oublier que le blues est la mère de la plupart des styles de musique qu'on écoute aujourd'hui, pardon. Donc c'est pas surprenant que si on se rend compte des tentacules répandu un peu partout en influence, plein de liens qu'on peut faire. Et on parlait du British Blues tantôt, et bien on vient d'entendre un groupe dont je vous ai parlé la semaine passée. Il s'agissait du seul et unique Peter Green et de son Fleetwood Mac, qui était un groupe de blues pur et dur à ses débuts, une chose que bien des gens savent pas, même s'il y a bien du monde qui connaissent évidemment Fleetwood Mac pour le gros succès qu'ils vont connaître en 77 avec l'album Rumours, un des albums les plus vendus au monde, rien que ça. Mais on pourrait presque dire que c'était plus le même band rendu là, même si c'est tout aussi bon, en fait, c'est complètement un autre genre. Mais là, c'est en 1968 qu'on les a entendus avec une magnifique reprise de Little Willie John, Need Your Love So Bad. Magnifique reprise, assez rare, qui était sortie en 45 tours seulement. Vous pourrez dire que vous l'avez entendu à Méloman. Un bel exemple de British Blues à son meilleur. Je me répète, mais Fleetwood Mac, c'est eux qui ont composé, entre autres choses, Black Magic Woman. Donc, ça vous donne, avant Santana, c'est Santana l'a repris en version à saveur latine par après. Donc, ça vous donne une idée quand même que Fleetwood Mac, plein de petits bijoux à découvrir. Et sinon, on a fait un petit tour à Chicago, capitale du blues électrique. Étiquette de disque Chess Records. D'ailleurs, je vous conseille vivement le film Cadillac Records qui parle justement de cette époque-là. Leonard Chess qui fonde l'étiquette de disque Chess à son nom justement. Et on voit passer tout le monde là-dedans, de Muddy Waters à Chuck Berry en passant par Etta James, magnifiquement interprété par Beyoncé qui, force mais de l'admettre, donne toute une performance dans le film. Vous irez voir ça, Cadillac Records. Et Etta James, ben c'est elle qu'on a entendu en personne, la vraie, avec I Just Want to Make Love to You sur son fameux album At Last de 1960, une chanson de Muddy Waters, patriarche de l'étiquette de disque en question, mais aussi du blues électrique en général. Et ironiquement, c'est en version acoustique qu'on l'a entendu juste avant à Muddy Waters, une reprise de Sonny Boy Williamson qu'on va entendre tantôt. Good Morning Little School Girl, tiré de l'excellent album acoustique de 1964, Folk Singer, où on peut entendre Muddy Waters accompagné d'un tout jeune Buddy Guy à la guitare et de Willie Dixon à la contrebasse. Willie Dixon, dont on a parlé tantôt, qui est pas mal la plume derrière la plupart des standards de blues qui vont sortir de chez Chess, entre autres, et qui vont être repris ad vitam aeternam pour la nuit des temps. Quelqu'un d'incroyablement important dans le monde du blues. Et sinon, juste avant ça, vous le savez, il n'y a rien d'innocent en Méloman. On a entendu le groupe qui a pris son nom d'une chanson de Muddy Waters. On parle de la British Connection depuis tantôt. Eh bien, c'est pas mal eux qui en sont la figure de proue malgré tout. On parle de nul autre que les Rolling Stones, qu'on a entendu à leur tout début en 1964 avec Little Red Rooster, encore une fois composé par ce cher Willie Dixon. On l'oublie souvent, mais les Rolling Stones, eux aussi, un peu à l'instar de Fleetwood Mac, étaient à l'origine un groupe de blues pur et dur fondé par Brian Jones, qui rêvait de se partir un groupe de blues pour imiter ses idoles américaines comme Clapton, dont on parlait tantôt. Et sans tous ces jeunes anglais, mine de rien, ces jeunes anglais enthousiastes de blues, mais on n'aurait peut-être jamais connu le hard rock et tout ce qu'il y aurait, ce qu'il y a eu par la suite. Et sinon, ben, tant qu'à voir les Rolling Stones, pourquoi pas les Beatles, qu'on a entendu avec For You Blue, composition de George Harrison sur Let It Be, chanson d'amour pour Patty Boyd, 1970. Patty Boyd qui plus tard, Eric Clapton va partir avec Patty Boyd, donc oui, il y a des liens dans tout, jusque dans leur vie personnelle. On a aussi entendu la même année, nul autre que Robert Charlebois, Robert Charlebois avec Mon Pays, une de ses célèbres collaborations, pardon, avec l'énigmatique Régent Ducharme, qui est malheureusement décédé il y a à peine 2 ans, un écrivain de la région en plus, qui avait étudié au Clair-Saint-Viateur et qui demeurait à Saint-Félix, si je ne m'abuse. On fera pas une critique littéraire par-dessus le marché, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de lire des trucs comme L'hiver de force et bien sûr La vallée des avalés, un auteur complètement unique, tout style confondu. Et juste avant ça, on a entendu un extrait d'un des meilleurs albums de blues des années 60 que je pourrais vous conseiller. Rien que ça, l'album Hoodoo Man Blues du Junior Wells Chicago Bluesman en 1965 avec In the Wee Wee Hours, une pièce où on pouvait entendre encore une fois un jeune Buddy Guy à la guitare, le tout amorcé par Can Heat en 1968 avec le classique On the Road Again, à ne pas confondre avec Willie Nelson. Mais là, on va aller faire un tour dans les hybrides. On y va avec un blues jazzé qui nous vient d'un opéra de Gershwin, Porgy and Bess, pour ne pas le nommer, une des pièces les plus reprises de tous les temps. On l'écoute ici par un jeune prodige qui est arrivé sur la scène dans les années 60. J'ai nommé George Benson, 99 ans, CFNJ. A summer hot time, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your ma is good looking, yeah. So hush, little baby, and don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings, and you'll take to the sky. But until that moment, there is nothing gonna harm you. Your mommy and daddy are standing by. We'll be right back.

loved you and we went to walk. I liked the way she'd walk too. She's gone. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. That evening sun go down, way, way, way, way down. I hate to see that evening sun go down. Just because my baby, he has gone and left this town. If I'm feeling tomorrow just like I feel today, just like I feel today, I'm gonna pack my trunk, I'm gonna make my getaway. Got the blues, St. Louis blues, blue as I can be. My man got a heart just like a rock cast in the sea. Yes, most every day, he may be a man, but he comes up to see me sometimes. And I live 6 flights up. Ooh, how that man sure loved to climb. If you don't like my peaches, why do you shake my tree? Stay out of my orchard. Stay out of my orchard. If you don't like my peaches, why do you shake my tree? Tree. whiskey. Well, baby, you might as well get used to wine, 'cause wine is fine. If you don't like whiskey, yeah, you better get used to wine, 'cause wine is fine. 'Cause that man, he left me with that wine, and I felt mellow and fine. I got the same Louis, got the blues, St. Louis blues. I got the blues. Su tes grands chevaux, reste ici avec moi, puis couche-toi sur le dos. On va jouer au docteur, puis au cabaret, encore une fois. Non, bébé, va-t'en pas, reste encore un peu, couche-toi donc ben à plat, puis ferme-toi les yeux. On va jouer au docteur, puis au cabaret, encore une fois. Bébé, reste, t'en prie, laisse-moi pas tout seul, j'suis tenu sa galerie avec ma grande gueule. On va jouer au docteur, mais au cabaret, encore une fois. Y'a du sang dans mon lit, mon scalpel dégoûte. En jouant au docteur, puis au cobaye, j't'ai perforé le foie. excuse-moi, pas fait exprès. Ouais, c'était un peu bizarre. Ça est toujours en plein Mélomane Blues ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec une petite surprise, une chanson quand même assez particulière de ce cher Plume La Traverse avec Cowboy Blues tiré de l'album All Dressed de 1978. Album qui était fait comme une boîte de pizza originalement et qui s'ouvrait comme une boîte de pizza, pour ceux qui s'en souviennent. Chanson qui suivait, Saint Louis Blues, le tout premier blues à avoir été publié sous forme de partition en 1914, imaginez, composition de W.C. Handy qui va tout d'abord être un succès pour Bessie Smith et qui va être reprise par des myriades d'artistes jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Ironiquement, ça va plus être dans le domaine du jazz que la chanson va être un succès. C'est pour ça qu'on l'a entendu ici par la seule et unique Ella Fitzgerald en 1963. Et juste avant ça, une autre chanson qui date pas d'hier, qui nous vient cette fois-ci plus du monde du folk américain. La chanson St. James Infirmary qui a souvent des arrangements à la sauce Nouvelle-Orléans et qui, elle, va être popularisée originellement par Louis Armstrong en 1928, mais c'est par Bobby Bland en 1961 qu'on l'a entendu ici. Et sinon, un petit détour vers le country blues du Texas avec, en version acoustique, Lightnin' Hopkins et Walk a Long Time en 1962, précédé d'un de mes préférés de tous les temps, Clarence Gatemouth Brown, avec son style complètement unique, She Winked Her Eye, version 1985, parce qu'il existe une version plus vieille, mais celle-là est quelque chose. Clarence Gatemouth Brown, qui est entre autres cité comme une grosse influence par nul autre que Frank Zappa en personne. Et je peux comprendre pourquoi, vraiment un style très expressif, très unique. Mais là, le temps file. Dans le bloc qui suit, on va avoir droit back-à-back aux trois kings du blues, soit Freddie King, B.B. King et Albert King. Mais avant ça, on écoute un des premiers groupes américains blancs à enregistrer un album blues, un peu à l'instar de nos amis britanniques de tantôt. Mais là, c'est des Américains, premier groupe blanc à enregistrer un album blues, avec à son bord l'excellent guitariste Mike Bloomfield, qui va aussi jouer avec Bob Dylan, entre autres, sur Like a Rolling Stone et compagnie. On écoute The Paul Butterfield Blues Band au 99.1 CFNJ. Thank you. help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. May have to sew. I may have to cook. I might mop the floor. But you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. nothing, baby. You wouldn't do anything I ask you to. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. This is blues power. Mr. Blues. Are you listening? I say everybody understands the blues. Everybody from one day to another has the blues. You take the little baby that's laying in the cradle. He can't get that milk bottle fast enough. He go to kicking and crying and going on tearing up the little baby bed. He got the blues. Can you dig it? You take this girl that's got this main squeeze. That's her boyfriend, that is, you know. And he just bought a brand new GTO. You know she wanna be with him every time he cranks it up. And go around the corner to the soda fountain. That's just why she wanna go and show it off where all the guys and gals be. You know what I mean? And she get ready to go out this particular night, and her mother said, "Daughter, you was just out last night. You can't go out tonight. That's too many nights in a row." She go in the room and fasten the door and won't answer the phone, won't eat, won't talk to nobody. She got the blues. That's what's wrong with her. Some people call them the reds, the pinks. When you get through, it's the old-fashioned country blues. That's right. I ain't seen my main squeeze in 10 long weeks today. You know I got the blues. Can you dig it? Would you believe I invented blues power? Can you dig the blues power? Let everybody say yeah. Say it again, say yeah. Thank you. Merci, merci, merci. Et tel que promis, les trois kings du blues, toujours à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Les trois kings en question qui sont celui qu'on vient d'entendre avec Blues Power de 1968, soit Albert King, précédé d'un tout jeune B.B. King avec Sweet 16 en 1959, qui suivait Freddie King avec son classique Have You Ever Loved a Woman en 1960. Freddie King qui va aussi connaître plusieurs succès instrumentaux comme The Stumble ou encore plus Hideaway qui vont grandement influencer Eric Clapton dont on a abondamment parlé en début d'émission. Et sinon, grande influence sur Paul Butterfield qu'on en avait entendu juste avant. Et en fait, sur Paul Butterfield et tous les grands harmonicistes blues, le seul et unique Sonny Boy Williamson, deuxième du nom, avec Help Me en 1963, et qui était précédé de Paul Butterfield Blues Band avec une chanson, une pièce composée par Nat Adderley, frère du célébrissime Cannonball Adderley, légende du jazz, Work Song. Et puis sinon, ben c'est ce qui conclut déjà notre grand spécial blues de ce soir, bourré d'informations, j'avoue. J'espère que vous avez apprécié. On se redonne rendez-vous pour complètement autre chose mercredi prochain, 20h. Mais on se laissera pas sans boucler la boucle. Oui, avec Clapton, dont on a beaucoup parlé, mais surtout en hommage à Ginger Baker, légende de la batterie qui nous a quittés cette semaine. Encore une fois, une composition de Willie Dixon, écrite originalement pour Howlin' Wolf. On écoute Cream avec Spoonful au 99.1 et 88.9 CFNJ. OK, bye. Soul. You're alive about it. Going around and crying about it. Everything's alive about it. Just a little bit of your